Vous êtes sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 383 qui commence maintenant. Voilà, les énergiques jeunes gens qui ont entamé cette émission, ça s'appelle Oozing Wood. On a écouté le morceau Bank Account Anxiety tiré de l'album We Cater to Cowards. Donc ce sont des gens qui viennent de Chicago, c'est leur quatrième album, c'est un trio. Ils sont passés d'un métal trash et décalé à une noise au chant criard et goguenard. où il y a quand même quelques restes de métal, quelques morceaux sonorités un peu grungy, des morceaux catchy ou rythmiques beaucoup plus complexes qu'elles en ont l'air. Et le tout est sorti chez le label Trill Jockey, ce qui est souvent un signe de qualité. Sinon, au programme de cette émission, on aura un petit peu de noise industriel électronique, on va dire. On aura un petit peu de post-rock noisy aussi. On aura du rock psyché, on aura un album de la semaine, quelque chose d'assez mutant entre pop et hip-hop, c'est signé Slow Tie, c'est une véritable tuerie. On aura également un petit peu de pop française assez classique, on aura des choses un petit peu plus élégantes, crooner, et on terminera par un peu d'ambiance. On commence tout de suite avec une séquence un petit peu métal industriel française. Mais avec beaucoup d'électronique, on va dire. Et on commence par Fange. Fange, qui est un groupe parisien qui a sorti son troisième album cette année. L'album s'appelle Privation. C'est métal industriel qui mêle cliquetis, électronique malaisant, riff et chant tirés tout droit du métal, boîte à rythme martial, des mélodies cold wave, des synthés gothiques. C'est très sombre, c'est très viscéral, c'est sorti sur le label Srotruner Records. Voilà, gros son, gros son. On va écouter le morceau Sans Vinaigre. Fange, c'est parti. Donc tiré de l'album Privation. Cross the bay! Voilà, juste après Fange, on est resté dans de la noise metal industrielle française avec Fleuve Noir, un quatuor lillois qui a sorti donc cette année un album qui s'appelle Respecte-toi, après avoir sorti en 2018 un premier album Respecte-moi. Donc c'est un groupe qui est plutôt dans le respect, hein. Voilà, c'est une noise metal mutante, rampante, riche en électronique, avec des constructions un peu no wave, voire des éco blues un peu primitifs, et c'est sorti sur la collaboration de quatre labels, à savoir Jaran, Poutrage Records, les disques de la face cachée et Kenny New Records. On poursuit avec une séquence un petit peu post-rock, noisy, on va dire aussi, hein, c'était généralement très noisy, c'est début d'émission. On commence par Lost in Kiev, qui est un quatuor parisien, hein, qui vient de sortir son quatrième album depuis 2012. L'album s'appelle Rupture. C'est entre post-rock, post-metal. C'est assez dominé par le clavier, c'est un peu l'originalité du groupe. Ça amène un peu de clarté à des compos sombres, naviguant entre spleen et incandescence électrique, le tout inspiré par le dérèglement climatique et le futur qu'il annonce, donc c'est pas très très gai. Et c'est sorti chez Pelagic Records, le morceau qu'on va écouter s'appelle Squaring the Circle. Donc, Lost in Kiev, c'est parti! Thank you. spells gleam a fight in the mist, scattering scents nectar, sowing life into the orchard. Millions of golden drops seem to be stuck in the air, falling slow, and the field still filled with the cold of the night. A new day is hatching. It might be a sad one. Thank you. Voilà, donc à l'instant, juste après Lost in Kiev, on est resté dans le post-rock français avec Koss, Quatuor de Paris, qui a sorti son premier album cette année. L'album s'appelle It Turns Pale. C'est sorti sur les labels, c'est une sortie conjuguée sur les labels Nouveau Monde, Attends, Rêver du Roi. Et on a un croisement entre post-rock et noise, entre Slint et Sonic Youth. Parfois un soupçon de post-punk, ils sont très à l'aise quand le tempo s'accélère. Parfois quelques influences Radiohead également, et à signaler l'excellente production d'Amaury Sauvé, qui est un peu le Dan Carré. Pardon, qui est un peu le Dan Carré français, j'avais été par mégarde le micro. Voilà, on poursuit avec une séquence rock psychédélique. On commence avec Dead Meadows, qui est un trio qui nous vient de Washington DC, qui a sorti son 9e album depuis le début des années 2000. L'album s'appelle Force From Free. Voilà, c'est sorti chez Blues Funeral Records. On est entre rock psyché et stoner assez lourd. Par rapport à leurs albums précédents, dont l'excellent Feather de 2005 qu'on avait adoré. C'est plus instrumental, plus expérimental, plus hypnotique et assez introspectif. En tout cas, c'est un très bon album. Le morceau qu'on va écouter s'appelle The Left Hand Pass d'Id Meadows. C'est parti. Thank you. Voilà, juste après Did Medo, on est resté dans le rock psychédélique avec Atsuko Shiba, un quintet montréalais qui a sorti son troisième album depuis 2013. L'album s'appelle Water, It Feels Like It's Growing, et le morceau que vient de s'écouter s'appelle Seeds. Voilà, c'est du rock psyché, progressif et expérimental, très créatif, avec pas mal de passages assez aériens, assez shorty chez Mossland Records. Il y a de très très beaux clips, il paraît qu'ils sont très intéressants à voir sur scène, notamment à cause d'une dimension vidéo qui amène beaucoup de cachets. Voilà, on poursuit avec le premier album de la semaine qui est signé Slow Tie, qui est entre pop et hip-hop. Donc Slow Tie, c'est Tyrone Canimone de Frampton, de Northampton. L'album s'appelle Ugly, c'est son troisième depuis 2019. Voilà, ça fait un peu penser aux Beastie Boys, à Danny Brown, aux Sneak Youth, aux Pixies, aux Stooges. C'est un joyeux mélange de pop et de rock. C'est une vraie nouveauté pour lui de faire ce mélange, parce qu'avant, il était vraiment assez hip-hop pur et dur. Mais là, il s'est entouré d'un groupe avec Ethan Peflin de Black Country New Road, Tyler Sky de Jockstrap, Jack Buglen, le guitariste de Bida Doobie, et le batteur Ian Toom, et la production signée de l'inévitable Dan Carré, hein, qui a signé certains des meilleurs albums de ces dernières années. Voilà, le résultat est ultra explosif, c'est plein de gouailles, d'humour ravageur, des poussées de fièvre, un chant parfois revendicatif, parfois voilé, parfois mélancolique. Les paroles portent sur l'autodestruction, les excès et les abus en tout genre. Mais c'est pour mieux s'en délivrer. Il y a quelques featuring notables, donc Fontaine DC, Shy Girl notamment. Voilà, il y a quelques ballades, des choses très rock. Ça part dans tous les sens, mais les 12 morceaux forment un tout très très cohérent. C'est vraiment fait pour être écouté en tant qu'album, même si c'est gavé de tubes. Voilà, c'est une des meilleures choses de l'année, je pense, actuellement. On va écouter 3 morceaux. Le premier s'appelle Yum, on le fera suivre par le morceau Selfish, qui est la petite tuerie qui suit Yum sur l'album. Yum, c'est le morceau qui ouvre l'album, Selfish, c'est celui qui le suit. Et on le fera suivre par le morceau titre Ugly avec un featuring Fontaine DC. Voilà, Slow Tie, c'est parti. Self-reflection. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You're a genius. You're a genius. You're a genius. You're a genius. I've been lacking motivation, I need an intervention. I've been lacking motivation, I need an intervention. I've been lacking motivation, I need an intervention. I've been lacking motivation, lacking motivation. The other day I had a conversation with my therapist. I was telling him about situations I always end up in, how I act impulsively, how things seem to happen to me. I was saying, poor me, sorry sir. He said, Tyron, you just gotta learn to breathe. Imagine you're on a staircase and each step you take is a step down from being up that level. He said, breathe, breathe, breathe. Funny thing is, it just pissed me off more. What am I paying for? Yeah. Work so hard, I deserve to not give a fuck. Feel so good, getting hit while I titty fuck. I'm a nut, anybody wanna get a nut? You a slut, me too, what you wanna fuck? I go deep like I'm digging in a coal mine. She magic hour in a K-hole like a climbing chowder. I wanna melt on my own, but it won't leave me alone. Hands in the air if you're popping pills, smoking weed, singing long and hill. Any bad vibes and they gon' get killed. More coke, more weed, more ease, more trips, more ease, more sex, less stress, head yes. You wanna be my empress? More bass, more raves, more shades. What? You tryna save face? More alcohol, we ain't going home till we broke and we catch us a. Never enough. One drink's never enough. One drink's never enough. Yeah! Excuse me why I self-destruct. Cause I don't give a fuck. Excuse me while I self-destruct. Cause I don't give a fuck. Excuse me while I self-destruct. Excuse me while I self-destruct. Everyone from the front to the back, repeat after me. I need you to breathe. Yeah. movement's a depiction of class. When your body has to be a wine glass, you drop your guard, you realize it's hard, it's ugly. Loving is brittle plastic, but soft in the middle, the same as Skittles. When vultures purge you're piercing green, your boss won't fuck off and you're on the brink. The rent is due and you're overspent. The world is ugly. The world is ugly. The world is ugly. The world is ugly. I'm sick of toying with a broken idea. I'm sick of thinking there's a reason I'm here. We're just puppets in a simulation. We're just puppets in a simulation. With a bad dream like a bad form in the 80s. White screen being brainwashed to a raging. Start getting led like with dogs at the kennel. All this trauma in the name of a medal. Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y., Eugene, L.Y. You will notice when I'm not around, 10 minutes late to say you're sorry. First they love you, then they start you out. We kill each other for some juice and a bit of clout. In progress we test man-made devices. Getting tired of migrants, the only ones trying. You will stare in admiration, you will stop what you're doing. Had attention with a button eye, you are not in control. The moment the world stands still. You are not in control the moment the world stands still. You are not in control. C'était le morceau Ugly tiré de l'album éponyme de Slow Tie, notre premier et seul album de la semaine. J'espère qu'il y avait Fontaine D.C. d'ailleurs un featuring sur ce titre assez extraordinaire. Et j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces trois magnifiques morceaux. Il y en a plein d'autres sur cet album. C'est une des grosses baffes de l'année, je pense. On va poursuivre et on va calmer le jeu parce que le début de l'émission était quand même plutôt péchu avec de la pop française. On commence par En attendant Anna, qui est un quintet parisien amené par deux femmes, Margot Bouchaudon au chant, Camille Fréchou à la guitare. Donc c'est leur troisième album depuis 2018, l'album s'appelle Principia, c'est sorti chez Troublemind Records. Elles avaient eu un certain succès critique avec l'album Juillet sorti en 2020. C'est une pop élégante à base de compos douces amères et d'une production assez sophistiquée qui n'hésite pas à convoquer quelques cuivres et des arrangements cristallins. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Anita, donc en attendant Anna, c'est parti. Anita. après, en attendant Anna, on est resté dans la pop française avec The Rodeo, donc tiré de leur quatrième album Harlequin. Donc The Rodeo, c'est un projet, alors c'est fait, et essentiellement le projet solo d'une certaine Dorothée Hannequin, ancienne membre du groupe Hopper, qui n'avait pas sorti d'album sous le nom The Rodeo depuis Theanthropy Paradis en 2018. Et donc, il a vient de sortir 9 nouveaux morceaux. C'est une pop qui a pour référence d'un côté une certaine pop française des années 70, genre François Hardy ou Nino Ferrer, et de l'autre une pop plus moderne anglo-saxonne des années 90 comme Divine Comedy ou Blonde Redhead. Voilà, et les préoccupations sont assez sociales sur les paroles. Même si ça ne s'est pas trop entendu sur ce morceau, Vallée de Sidim. On poursuit avec des choses un petit peu plus calmes encore. Et on commence par This Immortal Coil, donc, qui est un projet en forme de jeu de mots sur This Immortal Coil, qui est lui-même un projet de super groupe assez mythique des années 80. Mais là, d'ici Immortal Coil, c'est un projet d'hommage à Coil, qui est un duo de musique industrielle expérimentale britannique amené par John Balance et Peter Christopherson. Et il y avait déjà eu un album hommage en 2010, donc comme ça, de ce projet. L'album s'appelait This Dark Age of Love, mais là, la mort de Peter Christopherson en 2022... a amené donc l'initiateur du projet, qui est Stéphane Grégoire, boss du label Ici D'Ailleurs, à sortir ce nouvel album, The World Ended A Long Time Ago. Album sur lequel on retrouve plein de gens qui viennent rendre hommage à Coil, qui viennent faire des reprises de Coil. Donc il y a Christine Ott, Matt Elliott, des membres d'Orcard comme Aidan Baker, Gaspar Klaus, Tisserand ou Loino, des membres d'Ulver comme Westerhus, Pupiou et Zou, trois membres de Zéro et des électroniciens comme Ao San, voilà, et des musiciens classiques également comme Chalmin, Cipolli ou Bonietti. Voilà, tout ça évolue aux frontières du post-rock et du neo-folk. Il y a relativement peu d'électronique, on va dire. C'est sombre, c'est élégant, c'est assez atmosphérique. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Where Are You, donc reprise de Coil. C'est un morceau qui fait intervenir Matt Elliott, Aidan Baker, Gaspar Klaus, Maxime Tisserand et Frank Loino. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Are you is surrounded by things we cannot penetrate. It's the cage you love. The home you also hate. Your fear of death attracts some strange objects, smothering you, hiding you. Don't let it spoil you. Show yourself so the others may see you. So the others may feed you. They want to be near you. If you can't get enough of your hypnotic injection, then it's time to put an end to this invalid function. Poor little ghost boy, let me be your human toy. was made of fire. Open higher, open higher. We see him coming back to you, the light of my mind's warm sleep. Fire up his hands, burn through cold and blue, and his face became another face. His race, another race, and his riveted arms inside her, open wider. Immortal Coil, on est resté une chose un petit peu sombre, clair-obscur avec And Also the Trees, donc tiré de leur dernier album The Bone Carver. Le morceau s'appelle In a Bed in Yugoslavia. Donc And Also the Trees, c'est un fameux quintet qui vient d'Angleterre, d'un petit village qui s'appelle Inkbarrow dans le Worcestershire. C'est leur 15e album depuis 1984, c'est un groupe qui a vraiment de la bouteille. Un groupe amené par la fratrie Jones, Justin Jones à la guitare, qui compose l'essentiel des morceaux, et Simon Jones, le chanteur et parolier, poète presque du groupe, hein, puisque ces morceaux sont généralement unanimement salués comme étant des petites merveilles, ces paroles. Des petites merveilles de poésie moderne. C'est sorti sur le label AAT Records. Donc c'est un groupe qui, à ses débuts dans les années 80, était référencé post-punk, cold wave. Et s'il y a toujours un tout petit peu de ces influences, là, ça a évolué vers quelque chose entre, on va dire, post-rock, néo-folk, no-wave, avec un crooning assez sombre. Ça baigne dans une mélancolie sobre et délicate. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour les oreilles, un album d'And Also the Trees. Voilà, on va terminer l'émission avec un petit peu d'ambiance. Ça va être signé Whatever the Weather, qui est un projet de l'anglaise Lauren James, la londonienne. C'est son 4e album depuis 2018. L'album est éponyme, Whatever the Weather. Sachez que depuis qu'elle a sorti cet album fin 2022, elle a sorti 2 autres albums depuis, dont un cette année, qu'on écoutera peut-être bientôt. C'est quelqu'un de très productif, en tout cas en ce moment. Voilà, sa musique, c'est une électronica intrigante, déstructurée, souvent aux frontières de l'ambiance, même si sur cet album, il y a pas mal de morceaux un peu IDM, breakcore ou glitch qui convoque les plus belles heures du label Warp. Voilà, et tous les morceaux ont pour titre une température, donc le climat est un peu au centre de l'album et il est souvent assez froid, même s'il se réchauffe, on va dire. Voilà, en tout cas, c'est plutôt très réussi. On va écouter le morceau qui s'appelle 25 degrés, donc. Et ça conclura l'émission. Je vous dis, alors peut-être pas dans 15 jours, je ne serai peut-être pas là dans 15 jours, mais il y aura sans doute Nico, on va voir. Voilà, en tout cas, je vous dis, si c'est pas dans 15 jours, c'est dans un mois, c'est sûr. Allez, ciao, bisous à tous.